Ndako tongisa bakiti osomba bato bengaki bata la dignité na yo bata lesika okofandaka na mama na bana na bana na yo okima na yo ndako ozwa appartement kasi ndako na yo papa osundola na mama na bana e ndako bapoko batonda mokengeli azali te yo kaka appartement nakotongisa bakiti osomba bato obengaki bata na dignité na yo bata na esika okovandaka na mama na bana na bana na yo okima na yo ndako ozwa appartement kasi ndako na yo papa osundola na mama na bana e ndako bapoko batonda mokengeli azali te yo kaka appartement ndako otongisa bakiti osomba bato obengaki bata na dignité na yo bata na esika okovandaka na mama na bana na bana na yo okima na yo ndako ozwa appartement kasi ndako na yo papa osundola na mama na bana e ndako bapoko batonda mokengeli azali te yo kaka appartement ce sont les seyes sound of seyes okomi vyoboye keba na débordement ya bomwana mama munue likambo ya appartement osi okomi vyoboye keba na débordement ya bomwana mama munue naloba nini mama a o mama o nzoto eningi boye mama a o mama o natikali na yango moko mama a osi okomi vie boye yeba na débordement ya bomwana mama munue likambo ya appartement osi okomi vie boye yeba na débordement ya bozoba mama munue awa nakoyemba mama a o mama o nayembeli na ngai moto te mama a o mama lobi ntango bokovanda banganda mama a olwambo ayembeli mibange mama a ngai mpe nakokoma mobange mama a kasi nalingi na surveille mosala mama a likambo ya appartement osi okomi vie boye yeba na débordement ya bomwana mama munue likambo ya appartement osi okomi vie boye yeba na débordement osi okomi vie mama a kendeke na mosala mama a yokaka bakutukulu mama a signatere ya mosala na appartement mama a bavisitere bamonaka yo te mama a na mosala mpe bamonaka yo te mama a suka sanza olingi salaire mama likambo ya appartement osi okomi vie boye yeba na débordement ya bomwana mama munue likambo ya appartement osi okomi vie boye yeba na débordement ya bozoba mama munue mobali abotamaka na mayele mine mwasi abotamaka na mayele mwambi ya mobali mayele akelasi mama a mayele ya mwasi eleki ndoki mama a sala kana yango attention mama ah ah ah ikambo ya appartement aussi au comique boy. Aussi on commis vieux mama ah ah ah. Yepa osali patron mama ah ah ah. Kebana secrétaire particulière mama ah ah ah. Papé sakayon fait respect mama ah ah ah. Kosa la bosso bate mama ah ah ah. Ikambo y appartement. Aussi au comique de bruit, et banane débordement, y'a bon moi la maman mounoué, et comme moi appartement. Aussi au comique de bruit, et banane débordement, y'a besoin de maman mounoué. Aussi au comique vieux, maman, ah, ah, ah. Luka Kandako, y'a 40 ans, maman, ah, ah, ah. Que banandako, y'a 15 ans, maman, ah, ah. Ekolu kaka, mindondo mama, ah, ah, ah. Ikambo y appartement, aussi au comique vieux boy. Kebana débordement, y'a bon moi na mama mounoué. Ikambo y appartement, aussi au comique vieux boy. Kebana débordement, y'a besoin de mama mounoué. Aussi au comique vieux mama, ah, ah, ah. Salaka économie mama ah ah ah. Yeban pe ozali na bana mama ah ah ah. Soki otiki économie te mama ah ah ah. Simana yo bana bakotelenga na mama ah ah ah. Ikambo ya appartement aussi au comique vieux boy. Yebana débordement ya bomo na mama munwe. Ikambo ya appartement. Aussi au comique vieux boy, y'a pas la débordement, y'a besoin de maman mounoué. Awana koyemba mama, ah ah ah. Na embeli nangai motote mama, ah ah ah. Lobitango boko matabus mama, ah ah. Oh, oh. Obwambwa embeli moto mama, ah oh, ah. Ngai na embela kanangai motote mama, ah ah. Makambo yonso na monaka na histoire mama ah ah ah. Ikambo ya appartement aussi au comique vieux boy. Kebana débordement ya bon moi na mama mounoué. Ikambo ya appartement aussi au comique vieux boy. Kebana débordement ya besoin de mama mounoué. Aussi au comique vieux mama ah ah ah. Allo banini mama ah ah ah. Oh mama oh. Tension et zwingai mama ah ah ah. Oh mama oh. Hypertension mama ah ah ah. Oh mama oh. Hypotension mama ah ah ah. Ikambo y appartement aussi au comique vieux boy. Yebana débordement ya bon moi na mama mounoué. Ikambo y appartement aussi au comique vieux boy. Y'a pas la débordement, y'a besoin de maman mounoué. Ce sont les seuls, yeah. Ce sont les seuls.